listening to Overdrive on Radio Dio. Opinion we're too dumb to see. Cross my heart and hope to die. Everyone gets bloody. Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, c'était Freak Kitchen avec le morceau titre qui débute son nouvel album Everyone Gets Bloody. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir le groupe Ashed Winter qui va venir avec moi animer l'émission et puis présenter ce warm-up du Hellfest qui se tiendra du côté du Field de Saint-Étienne le 21 mars prochain. Donc est-ce que vous m'entendez bien? Vous êtes avec moi dans les studios. Nous avons les guitaristes ainsi que le bassiste du groupe. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Salut, moi c'est Nico, je suis donc guitariste de Ashed Winter. Moi c'est Greg, le bassiste. Salut, moi c'est Lana, guitariste de Ashed Winter. Ok, alors vous venez nous présenter votre premier album complet qui s'appelle Papa Legba, qui est sorti courant 2024. Ouais, c'est ça, septembre 2024. Ouais. Voilà, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'enregistrement? Comment est-ce que vous y êtes pris sur la genèse de ce premier album complet? Eh bien, ça, en termes d'enregistrement, on a été assez. On a fait ça beaucoup de notre côté, je dirais, sur à peu près tout, sauf sur le chant, où là, on a fait appel à quelqu'un sur le chant et le mix, hein, évidemment, à Kevin Brugère. De Bravo Records, Ça a été une super rencontre humaine avant tout, et puis ouais, il a fait un super taf, on a vraiment pris le temps. Ça a pris quand même un certain temps, je dirais, entre le début de l'enregistrement et la fin, où on s'est dit là c'est bon, on a vraiment tout terminé, on n'a plus qu'à faire de la promo. Ouais, une bonne année quand même. Donc ouais, ça a été énormément d'investissement, c'est vrai que ça nous a beaucoup pris une assez bonne grosse charge mentale même, je dirais. Mais voilà, c'est sûr qu'on regrette rien, quoi. On est content de ça. Est-ce qu'il s'agissait d'une première expérience pour vous, on va dire en studio? Non. Bah, on avait déjà enregistré le premier EP là, avec Mick de Destiny, qui nous avait pris sous son aile pour faire notre première EP. Enfin, à la base, ça devait être une démo. Puis au final, c'était un EP, quoi. Donc on avait déjà enregistré en studio et tout avec quelqu'un, quoi. Donc non, c'était une deuxième expérience, mais plus poussée, quoi. Et justement, comment est-ce que vous décririez votre musique pour quelqu'un qui ne connaît pas Ashed Winter? On est sur un mélange de métal, forcément, à la base, avec une grosse partie de musique traditionnelle qu'on pourrait retrouver dans différentes cultures, parce qu'on aime énormément ce qui se retrouve. On retrouve dans chaque culture et chaque coin du monde, on va retrouver des patterns rythmiques et mélodiques qui sont complètement différents, qui ajoutent vraiment quelque chose à la musique. Donc notre musique, pour quelqu'un qui découvrirait le métal et qui découvrirait du coup notre groupe, on serait plutôt sur un métal inspiré de musique traditionnelle, tout en ayant des patterns très groovy qui emmènent à la danse. Un peu comme danser la samba et mettre des patates dans le pit. Qui est un peu comme notre slogan. C'est un peu le gimmick, ouais. C'est la gimmick, exactement. Ok, donc on va écouter ça un peu plus tard dans l'émission. Là, on va débuter et on reparlera bien sûr de ce Elf Warm-Up Elfest qui se tiendra le 21 mars prochain du côté du Fil de Saint-Etienne en compagnie de Nervosa et de Novelist. Donc dans l'émission ce soir, on devrait avoir des places à gagner un tout petit peu plus tard. Donc restez bien derrière votre tuner pour Overdrive en compagnie de Ashed Winter ce soir. L'occasion pour nous de démarrer avec un peu de musique, avec le dernier album de Robin Mark Holley, Soulbound, sorti sur cet album paru sur Frontiers Records pour l'ancien chanteur du MSG. Dancing with demons, you're around. Pure musique de stade. Et vous venez d'entendre Robin McHawley avec Soulbound, extrait de son dernier album pour l'ancien chanteur de MSG. Ce soir dans Overdrive, j'ai la chance d'avoir Ashed Winter qui fera l'ouverture de cette date du 21 mars prochain du côté du Fil de Saint-Étienne en compagnie de Novelist et Nervosa. Donc quelque chose qui devrait plaire aux fans à la fois de Thrash Death et ceux qui sont plus dans une mouvance, on va dire, metalcore. Et ce sera pour le Hellfest, enfin le warm-up du Hellfest. Donc est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur la façon dont vous avez été approché pour faire cette première partie ? Le culot. Oui, en fait, c'est, bah, on peut dire qui c'est qui nous a... Bien sûr, c'est Julien donc de Metalife, ce grand Julien, qui est allé au culot voir la prod du Hellfest. Dire voilà, bah, y a, c'est une affiche avec des chanteuses, quoi. Bah, moi, j'ai ça à vous proposer avec une gratteuse et une chanteuse. Bah, voilà, ça pourrait le faire. En un jour, la prod du Hellfest a dit bah, ok. Et vous avez vu ça directement avec la prod du Hellfest et non pas directement avec la programmation du Fil. Si, du coup, c'est l'intermédiaire du Fil. En gros, c'est Julien qui a contacté Julienception. Et qui, Julien a dit ok, je soumets. Et la prod du Fil qui a dit ok. Ma prod du Hellfest, ouais. La prod du Hellfest, pardon. Et qui a bien apprécié et qui ont dit bah écoutez, allons-y, ouais. Ok, en tout cas, ça devrait être une super soirée, puisque outre, bien sûr, tous les concerts qu'on verra ce soir-là, il y aura également, je crois, des passes pour le Hellfest à gagner, ainsi que diverses activités. Donc ça devrait être une très bonne soirée dans, tout simplement, deux semaines. Je ne ferai peut-être pas l'émission exceptionnellement pour aller voir Ashed Winter. Donc vous m'en excuserez. Danser la samba. Exactement. Donc on va revenir sur ce premier album, Papa Legba. Donc, est-ce qu'il y a on peut dire qu'il y a une thématique autour de ce premier album ? Alors... Oui, tout de même, il y a quand même un petit peu un fil rouge. Faut savoir que Ashed Winter, dans l'idée, ça a toujours été un groupe qui se voulait d'avoir pour thème, un thème post-apocalyptique, je dirais. Et là, dans cet album-là, on est plus parti sur quelque chose qui va aussi voir ce qu'il pouvait y avoir aussi avant l'apocalypse, donc toutes les dérives, en fait, un peu de l'humanité. Et sous-jacent de tout ça, il y a... justement, cette inspiration un petit peu de culture, un peu du monde, pour un petit peu donner le point de vue tout autour du globe de ces dérives-là, en fait, de l'humanité, et qui sont plutôt des dérives causées par l'Occident, bien sûr. Ok, donc bien entendu, on ne joue pas une musique joyeuse, même si on n'oublie pas le groove, comme tu l'as signalé un peu plus tôt. Moi, ce que je ressens, c'est quand même, on va dire, une musique qui est partie de quelque chose qui était assez death metal, mais pour aller vers une mouvance plus peut-être un peu plus moderne que le death metal un peu grand old school, quelque chose avec... on va dire un gros son, et puis ouais, qui cherche pas forcément à aller tout le temps super vite, mais dans lequel on a quand même pas mal de riffs qui balancent, on peut dire. Donc on va écouter tout de suite le premier morceau donc qui ouvre cet album. Ce sera K1 et Roy Pituna. Est-ce que on a des titres qui sont un petit peu on va dire mystérieux. Est-ce que vous pouvez les présenter un peu plus en détail? Alors ouais, donc en l'occurrence, pour Roy Pituna et K.A., donc en fait K.A. c'est l'intro du morceau, qui veut dire forêt, dans une langue qui s'appelle le Ningatu, qui est une langue qui est parlé par assez peu de monde. Hein. Voilà, donc autour en Amazonie, entre le Brésil et le Pérou. Donc en fait, l'idée de ce morceau, c'était de donner un peu le point de vue de ce peuple-là qui voit la déforestation, entre autres. Et si tu veux, là, l'idée, c'était vraiment d'exagérer le truc, que ça aille totalement au-delà de la déforestation. Quoi. C'était vraiment une manière de singer, de caricaturer justement un peu ces dérives occidentales, comme je disais. Quoi. Et du coup, ce peuple qui assiste en quelque sorte à ce qu'eux perçoivent comme étant une fin du monde. Quoi. Et justement, cette langue un petit peu ethnique, comment est-ce que vous la connaissiez ? C'est quelque chose que vous avez recherché ? Mais en fait, comment ça vous est venu en fait ? Le morceau est dramatique, la langue l'est tout autant. Il faut voir le Niigatu comme un agrégat de tous les dialectes que tu vas retrouver dans les tribus toupies que tu retrouvais le long de l'Amazonie, qui au fil du temps, déjà par l'arrivée des colons, la déforestation, a fini par faire un conglomérat de toutes ces tribus qui ont essayé de survivre tant bien que mal, mélangé avec les colons portugais qui étaient là. Donc en fait, le Niigatu, c'est la langue locutée, genre qui est ressortie de tout ça avec le mélange de tous les petits dialectes au portugais. Voilà. En fait, c'est une langue qui était quand même assez renseignée. Disons qu'en fait, à la base, si tu veux vraiment avoir la genèse du truc, j'étais un peu inspiré par Ratanahata de Sepultura. Ah oui. Avant de voir qu'en fait, c'était pas du tout un dialecte local qu'eux utilisaient, c'était une langue totalement inventée. En fait, ils étaient onomatopées au pif. Et moi, je me suis dit, non, vas-y, eux, ils font les choses à moitié, alors qu'ils sont sur place. Et je me suis dit, vas-y, il faut. Étant donné qu'on avait déjà parlé sur le premier EP du peuple, enfin de cet ensemble, parce que c'est pas vraiment un peuple, c'est plus des langues, les toupies, mais cet endroit-là. Je me suis dit, pour le lore, on va reprendre un petit peu la langue de cet endroit-là. Et donc, du coup, je suis allé un peu me renseigner sur ce qu'on avait. Et puis, du coup, il y avait le Niigatu qui était un minimum renseigné, même si c'était quand même un peu compliqué de réussir à faire des choses qui, je l'espère, sont à peu près grammaticalement justes. Quoi. D'accord. Bah, on s'écoute ça tout de suite avec l'intro du coup, de l'album pour ce morceau qui ouvre ce Papa Legba. J'imagine que vous diffusez l'intro en tant qu'intro de concert également. Alors justement, c'est très marrant parce que à la base, non. Et en fait, là, dans la voiture, on s'est dit que pour le fil, c'était sûrement ce qu'on allait faire, ouais. Qu'on allait un petit peu revoir tout ça. Vous avez un scoop dans Overdrive. Exactement. We'll be right back. avec ce premier album. On retrouve quand même une grosse production sur ce que vous nous avez offert. Est-ce que c'était quelque chose qui était voulu, on va dire, dès le début? Puisque là, dans votre style de musique, on n'est pas trop habitué aux morceaux qui font plus de 6 minutes. Hein. On n'est pas dans une veine assez progressive hein, dans la musique, mais il y a quand même quelque chose d'assez dense. Il faut bien le signaler. Alors, avant de continuer un peu plus loin, je vous ai demandé d'apporter à chacun un album qui vous a marqué, qui est important pour vous en tant que musicien. Est-ce que, alors je ne sais pas qui l'a choisi, mais Magma de Gojira, pourquoi ? Parce que c'est mon groupe favori de tous les temps. Je suis une grosse fan de Gojira, c'est le seul groupe. Voilà. Et cet album, j'ai pas beaucoup d'albums physiques, j'ai que celui-ci. Si j'avais dû en choisir un, j'aurais plutôt pris The Link, mais j'avais que celui-là. Et surtout, Greg avait bossé à l'Altony Garnier dans les loges avec Gojira. Et je lui avais dit, tiens, prends cet album, si tu les vois, fais-le dédicacer. Donc dedans, il y a le médiator de Jean-Michel et il y a la signature de Christian et de Mario. Big up à Mario qui a voulu faire le tour de tout le monde pour pouvoir faire signer l'album. Donc il est particulièrement important pour moi, cet album. Il est ouvert sur mon buffet, dans mon salon, tel un trophée. Et voilà, c'est pour représenter que voilà, Gojira, c'est mon groupe, quoi. Et justement, on retrouve bien entendu l'aspect métal extrême avec les guitares incisives et la double pédale, mais également on retrouve ce côté un petit peu ethnique, notamment sur le dernier album qu'ils ont fait, Fortitude, sur lequel c'est encore plus développé qu'avant chez eux. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous a un petit peu influencé dans votre choix, à la fois esthétique et de production musicale sur votre premier album? Enfin, disons que... C'est pas le plus. Faut savoir que Gojira, je pense qu'actuellement, tu dois avoir une bonne moitié des groupes de métal qui sont de toute façon influencés par Gojira. Hein. C'est devenu vraiment tellement incontournable. C'est nos mastodontes, quoi. Et puis, nous, on fait pas forcément exception à la règle. Hein. C'est un groupe qu'on a beaucoup écouté. Et donc forcément... Quand t'écoutes beaucoup un truc, bah derrière, tu vois, ça, elles ressortent un peu les influences, quoi. Typiquement, Gojira, ça a bercé mon adolescence. Quoi. Les premiers groupes que j'ai écoutés, j'ai commencé, moi, c'était Louveti. Louveti, c'était trop calme. J'ai découvert Gojira avec l'Enfant Sauvage il y a très longtemps, quand même. J'ai dit, putain, c'est bien, ça. J'ai bouffé toute la discographie de Gojira. J'ai dit, putain, c'est vraiment bien, ça. Ouais. Puis en termes d'esthétique, c'est vrai que c'est aussi des choses qui nous parlent, quoi. Ouais, idée un peu écolo et tout, Ça dénonce, enfin, littéralement Gojira, on dénonce ce qui se passe, et c'est vrai que nous, peut-être si on fait un rapprochement entre nous, on est aussi un peu là-dedans. Ouais, c'est une vibe qui nous parle, ça, ouais. Mais en tout cas, ça le fait pas de manière, on va dire, du front incisive, mais toujours de manière un petit peu imagée, métaphorique. C'est subtil, ouais, c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est bien chez eux, quoi, puisque n'est pas quelque chose qui va dénoncer de manière... C'est pas culpabilisant. Mais plutôt quelque chose qui va t'amener à réfléchir et qui va en même temps apporter une certaine façon esthétique et artistique, quelque chose d'imagé et de métaphorique en même temps. Et c'est un petit peu leur force, d'une certaine façon. Mm-hmm. Donc là, tu as choisi de passer un album que j'aurais peut-être pas choisi, Magma, puisque c'est pas on va dire celui sur lequel on retrouve le plus de tubes. On a un disque un petit peu à part dans leur discographie, qui avait été enregistré au moment du décès de la mère des frères Duplantier. Magma, alors pourquoi? Tu nous as expliqué, parce que forcément il y avait l'histoire avec les dédicaces, etc. Ce morceau, Vessel? Parce que c'est mon préféré de cet album-là, et comme je disais, j'en avais pas d'autres, hein. Sinon j'aurais choisi The Link, avec des morceaux comme Indians, des trucs comme ça, quoi. Mais là, j'avais que celui-là sous la main, et Magma, dans cet album, c'est The Cell qui me fait bien kiffer, quoi. Tous les autres aussi, mais The Cell particulièrement. Je te propose de l'écouter tout de suite. Avec plaisir. We'll be right back. Yes, encore une fois, Gojira avec ce The Cell, extrait de cet album Magma. On continue avec ce groupe Aris qui nous sort cet album The Calling sur MNO Music. Et la pochette, on ne croirait pas entendre de la musique douce. Ce sera Forgotten Son tout de suite, extrait de cet album The Calling par ce groupe français Aris. Tout de suite. Vous venez d'entendre Aries avec encore une fois une très bonne production ici sortie sur MNO Music avec The Calling. Alors sur ce premier album, vous avez fait le choix ici de l'auto-production au niveau de Ashed Winter. Pourquoi ce choix-là plutôt que d'essayer d'être distribué un peu partout? Alors pour le coup, on est distribué digitalement par No Dead Name. No Dead Name est notre label digital pour le coup. Mais après, on a vraiment l'étiquette autoproduction de l'album sur tout ce qui va parler de la distribution physique. On marche beaucoup avec du dépôt-vente. Pourquoi ? Parce que, tu vois, genre, on parlait de Gojira tout à l'heure, il y a quelques trucs qui sont sortis sur Reddit où tu vois les vieilles maquettes de Gojira avant qu'ils signent dans leur premier label et puis leur premier distributeur et tout. Tous au CEP. Et tout ça marchait il y a 15 ans, tu vois. Et je pense que maintenant, on est plus trop à cette ère-là où tu t'envoies ta maquette, où tu fais des mails et t'attends et tout. Et si tu prends pas les devants, si tu sors pas les doigts du cul et t'essayes de faire les choses par toi-même, en te plantant forcément, parce que tu vas pas connaître tous les rouages du métier et t'en apprends tout le temps, juste, en fait, ça marchera pas et ta musique, elle bougera pas plus. Finalement, le mieux, c'est d'essayer. Tu peux toujours trouver quelqu'un qui essaiera de te diffuser. Tu peux toujours essayer de soumettre ta musique à des labels tout en travaillant dans ton coin à faire fonctionner ta musique. Parce que dans tous les cas, le meilleur acteur pour ta musique, c'est toi-même. C'est vrai que de toute façon, on n'a pas pu chercher que ça, mais en fait, des fois, t'en reçois des mails de labels, mais bon, enfin, à chaque fois, nous, on n'y voyait pas forcément un truc particulièrement viable. Et puis c'est vrai qu'étant donné que le format physique s'essouffle un peu, même si bon, les vinyles se vendent encore un peu, et c'est vrai que pour ça, ça doit être avantageux d'avoir quelqu'un qui t'aide au niveau de la production. Bon. C'est vrai que les choses se font beaucoup maintenant digitalement et si tu veux, ça aurait impliqué pour nous peut-être de devoir attendre. Enfin, tu sais pas, ça se trouve, tu signes sur un label et puis ils te disent bah ouais, mais là on a encore 10 albums à sortir, donc vous, c'est pour dans 2 ans qu'on va le sortir. Tu vois. Enfin, ouais. Tu sais, on sait pas trop, tu vois, c'est un peu incertain. Dans un calendrier. Ouais, voilà, tu vois, t'as un calendrier. Et puis c'est un monde qu'on connaît aussi pas plus que ça. On n'est pas trop entouré, j'ai envie de dire, en termes de. Je sais pas de comment ça se passe dans ce milieu, des gens qui pourraient nous conseiller parce que on sait pas trop à qui on a affaire et tout. Donc pour nous en fait ça aurait peut-être voulu dire retarder encore et nous on voulait absolument sortir ça quoi. Et au final on arrive quand même à trouver un peu de public quoi via les plateformes et via le côté digital . Puis grâce à nos copains de Gravity, on a pu rencontrer nos Dead Name et puis en fait. La machine s'est lancée comme ça. Et justement, est-ce que vous pensez que, étant donné que votre album est plutôt court, on est en dessous de la barre des 40 minutes, est-ce que c'est un signe pour vous que vous pourriez avoir on va dire quelque chose d'important de nos jours, c'est d'avoir peut-être des productions qui sont moins longues d'un point de vue quantité de musique, je dis pas qualité, et avoir des sorties plus régulières. Ouais, moi je trouve que déjà ça c'est beaucoup plus actuel, ouais, en effet. Et au-delà de ça, juste au niveau artistique, nous on a vraiment pas envie de faire des morceaux de remplissage d'albums, quoi. Ce qu'on veut, c'est vraiment donner 100% de nous-mêmes sur chaque morceau, que chaque morceau soit le plus marquant possible, enfin qu'on mette tout, quoi. Et pas faire des albums avec 13 titres moyens, tu vois. On préfère faire 7, 8 titres. Et avoir quelque chose, on est vraiment 100% satisfait aussi, quoi. On peut envie qu'il n'y ait rien acheté, ouais. Ça, c'est plus l'aspect artistique de la chose, quoi. Voilà, alors maintenant, on va diffuser Nervosa, qui, bien entendu, sera sur le warm-up du Hellfest, donc au concert au fil, le 21 mars prochain. Est-ce que c'est quelque chose que vous écoutez personnellement ? Crypta, c'est mieux. Vous lui direz pas. Voilà, Lana. Bon, attention, elle comprendra pas. Lana, elle est sortie. Non, mais si, c'est cool, Nervosa. Mais enfin, je dis Crypta parce que ceux qui savent pas, mais je pense que tout le monde sait, c'est un peu. C'est Fefe qui est parti, quoi, avec d'autres Icos meilleurs, apparemment, de ce que j'ai compris un petit peu. Nico, ce que tu disais. Je sais pas si c'était l'intention. Bah, en tout cas, ça se voit. Mais c'est le résultat. Ouais, clairement. Donc, oui, Nervosa, c'est cool, mais. On est quand même très très content de jouer avec Nervosa. Ouais, c'est clair. Ça je vais pas m'empêcher de faire une photo avec elle comme une grosse groupie, quoi. Extrait de leur dernier album, ce sera Jailbreak tout de suite par Nervosa et on retrouvera des places à gagner dans la soirée un tout petit peu plus tard. Donc restez bien à l'écoute de Overdrive Radio Duo avec Nervosa ici et le morceau Jailbreak. We'll be right back. Yes, Nervosa avec Jailbreak, ce n'est pas une reprise de Thin Lizzy, c'était sur, ce sera plutôt sur la scène du Fil de Saint-Etienne le 21 mars prochain pour le warm-up du Hellfest en compagnie de Novelist et de Ash Winter que j'ai la chance d'avoir dans les studios de la radio ce soir. Donc voilà. Une petite demande que j'avais eue, c'était d'apporter des CD qui ont, enfin plutôt des albums qui ont marqué, qui ont été importants dans votre parcours de musicien. Ce que tu as choisi ici, ce sera l'album Koi no Yokan de Deftones, qui est peut-être l'un de mes préférés du groupe américain. Un groupe que j'ai mis du temps à apprécier, puisque lorsque c'était un petit peu la mode du néo-métal, j'étais un peu réfractaire à ce mouvement, j'avoue. Bon, les choses ont... Moi le aussi, temps t'inquiète. A passé. Hein. L'eau a coulé sous les ponts. Exactement. Et puis, avec le temps, j'ai pu apprécier la qualité de leur composition, notamment sur cet album, sur lequel on retrouve d'excellents morceaux. Romantic Dreams est vraiment super cool. Goes, et City. On retrouve des choses vraiment intéressantes et assez diversifiées. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte de l'histoire du groupe, c'était à l'époque où le bassiste du groupe était dans le coma. Oui. Donc le bassiste du groupe a fait un très très long coma et malheureusement est décédé. Donc c'était une période assez compliquée, j'imagine, pour eux en tant que groupe, puisqu'ils ne savaient pas trop comment se projeter, j'imagine, à cette période-là. Et ils nous ont pondu un excellent disque. Alors, quel morceau as-tu choisi de diffuser, extrait de... Eh ben, Entombed, du coup, qui voilà. Est un morceau... vraiment, qui n'est pas une reprise de Entombed, le groupe suédois de death metal. Putain, ce serait pas mal. Hein. Ce serait vraiment rigolo. Et justement, pourquoi Deftones pour toi? Deftones, c'est un groupe qui m'a toujours marqué. J'ai... Toujours, tu sais, moi quand j'étais gamin, les musiques, enfin les jeux vidéo, c'était MXATV, c'est Tony Hawk, donc tu vois, c'est genre tout le rock californien, tout le punk rock et tout. J'ai toujours été un peu bercé par ces musiques-là. Le metal par Elena Siegman quand j'ai commencé à tabasser du zombie sur Call of. Donc moi, toutes les musiques, toute ma culture musicale vient du jeu vidéo. Et j'ai fini par avoir du Deftones dans un SSX. Et je me souviens, genre, j'avais vraiment bugué sur ce groupe-là. Donc j'ai fini par vraiment aller écouter. C'était un morceau de Around Ophir, je crois. Et en fait, j'ai vraiment toujours aimé Deftones parce que tu peux tout faire avec Deftones. Tu peux cuisiner avec Deftones, tu peux dormir, tu peux pleurer, tu peux rire, tu peux te marier, tu peux te faire enterrer par Deftones. Enfin, vraiment, Deftones, c'est riche. Peu importe ton mood, t'auras forcément un morceau qui pourra y correspondre. Et surtout, ils restent pas ancrés dans ce qu'ils savent faire. Dire que Deftones, d'un album à un autre, tu vas pas du tout avoir le même groupe, pas du tout avoir la même vibe, mais tu vas quand même retrouver les mêmes patterns, forcément, les mêmes mimiques de chant, de chino. C'est un de mes groupes préférés, c'est pas mon album préféré, je pense que mon album préféré ça restera toujours Around the Fur, mais tu sais, Around the Fur est très brut, on est vraiment dans un son très brut, dans une prod bien à l'ancienne. Après, ils ont fait des morceaux qui étaient bien, ils ont fait des albums qui étaient bien plus posés, qui étaient plus dans l'atmosphérique. Je pense par exemple au morceau Rosemary, tu vois, pour ne citer que celui-là. Et après, ils ont fait des trucs plus électroniques. Et ce que je retrouve dans cet album, Koi no Yokan, c'est t'as le meilleur de Deftones, pour moi. Tu vas avoir tous les morceaux très très violents que tu pourrais retrouver avec Rats sur d'autres albums, avec celui-ci dans Verse City, tu vois. Tu vas avoir les morceaux plus posés avec Entombed, enfin, tellement de choses. Il y a tellement de choses dans cet album, il est tellement riche. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite avec Entombed par Deftones. Day from the day you arrived, I stay by your side. Deftones avec cet album Can't Know You Can et le morceau Entombed tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est 22h passé de 25 minutes maintenant. Il est temps de passer au concours de la soirée. Donc vous le savez, j'ai le groupe Ashtwinter dans les studios de la radio ici à Saint-Etienne. Et ils seront du côté du warm-up du Hellfest qui s'arrêtera du côté du Fil de Saint-Etienne le 21 mars prochain. Donc c'est un vendredi soir dans deux semaines. Et on va vous faire gagner des places au 04 77 25 05 94. Ou alors si vous voulez sur la page... des réseaux sociaux, de la radio, donc Overdrive Radio Duo. Néanmoins, vous le savez, quand le téléphone sonne, on a plus tendance à répondre à son téléphone plutôt qu'à regarder les messages qu'on a écrits. Donc, si vous voulez une place plutôt du côté du 04 77 25 05 94 pour rafler une place. Et maintenant, on va passer justement à un deuxième extrait du premier album de Ashtwinter avec le morceau titre. Donc là, j'imagine que c'est celui qui est un petit peu fort pour vous sur l'album. Bah, Papa Legba, une sacrée vibe hein, pour le coup. Comme tu dis, c'est le morceau titre, c'est le morceau avec la petite touche de décalage où on part plus dans le folklore plutôt que dans l'historique. Donc ça a demandé beaucoup de recherche, un gros travail de Nico de réécriture du squelette du morceau. Il y a eu beaucoup de choses à dire dans ce morceau. Eh bien, on envoie ça tout de suite. On rappelle le 04 77 25 05 94 dès que la musique démarre pour gagner des places. C'est pas nous ça. Hashed Winter du côté du fil de Saint-Etienne, ce sera le 21 mars prochain. On rappelle encore une fois, il nous reste quelques petites places, il n'y en a plus beaucoup à gagner du côté du fil de Saint-Etienne. Donc le 21 mars, c'est un coup de fil à la radio, rien de plus, au 04 77 25 05 94, tout simplement pour faire un petit coucou directement au groupe. Donc vous avez ramené, donc Ash Winter, vous avez ramené un CD d'un groupe qui vient de Rouen, de par chez vous. Ça s'appelle Satwan avec Illumine. Alors je sais pas si on le dit en français ou en anglais. Ouais, bah en fait en anglais c'est aussi Illumine en fait. Ouais. Ouais. Et donc est-ce que vous pouvez présenter ce groupe? Oh ben ouais, je pense que je peux me permettre. Ça va être facile. Je tiens à préciser que c'est pas moi qui l'ai ramené. Hein. C'est moi qui l'ai ramené. Je suis surpris. Mais ouais, c'est un groupe dans lequel j'officie également à la guitare. C'est mon premier groupe en fait. Donc groupe de prog, voilà, qui compte énormément pour moi et puis qui a sorti justement cet album 2 mois après celui d'Ash Winter justement. Donc voilà, on est plus sur du prog. Une musique ouais qui est où vraiment on cherche ouais on se creuse bien la tête quoi, on s'est vraiment bien creusé la tête pour faire cet album. Le processus de composition a été assez long, assez fastidieux, mais voilà, à la fin c'est vrai qu'on est assez content du résultat. Et donc voilà, l'idée c'est ouais, c'est un peu un voyage cosmique, voilà, on peut appeler ça comme ça, d'une bonne heure. Donc bon, il faut un petit peu s'accrocher, ouais, mais voilà, je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant à proposer, ouais, avec cet album-là aussi. Ouais. Oui. Et est-ce que vous avez des dates, l'actualité autour du groupe, autour de Satwan? Ouais, bah, là, on revient d'une tournée avec Septaria, qui est un groupe ouais, un peu death prog, je dirais, qui est un super groupe là, qui a sorti son album, pareil, bah, je crois quasiment en même temps que nous aussi. Hein. On a fait une petite tournée là, dans le nord de la France et tout. Sinon, avec Satwan, on va faire quoi? On va jouer au Wake Up the Mountains. On peut faire une petite pub justement pour ce festival. Un festival qui est en Savoie, dans lequel on a joué avec Ash Winter l'année dernière. Et voilà, c'est un super fest juste à côté d'un lac. Quoi. Le cadre est magnifique. Quoi. Il y a les montagnes derrière. Vraiment, j'invite tout le monde à venir. Voilà, Morillon, exactement. Cette année, en plus... Alors c'est une affiche qui est assez deathcore cette année, on a du Canine, on a du Embrace Your Punishment, on a du Parjure, et au milieu, voilà, on a Satwan en ligne prog, ça va être une super date. Les Among Us. Et ouais, après sinon on a quelques dates. Bah, bon, la semaine prochaine. Je peux pas tout spoil, mais voilà, on risque de jouer également là où on va jouer bientôt avec Ash Winter. Donc voilà, ouais, on a quelques dates assez sympas, ouais, en effet. Bah, la semaine prochaine, vous êtes en finale du Metal Combat. Et oui, c'est vrai qu'actuellement, avec Satwan, on fait aussi le Metal Combat, voilà, qui est un concours de groupes émergents. Voilà, il y avait auquel on a participé avec Ash Winter, on n'a pas été gardé pour les présélections. Avec Satwan, on a eu cette chance. Et du coup, bah, on est en finale, ouais. On a réussi à aller jusqu'en finale. Donc on joue à Paris, à la Camélienne, le 15 mars aussi. Ok, ah oui, donc il y a une actualité assez chargée pour toi. Cool, donc on s'envoie ça tout de suite avec une longue plage musicale pour Satwan avec ce morceau Sidera qui ouvre cet album, Illumine, et c'est dans Overdrive tout de suite. We'll be right back. Yes, Site One, tout de suite dans Overdrive. Radio Dio, encore une fois, une belle démonstration de talent ici avec cet album Illumine et le premier morceau Sidérant. Donc, est-ce que tu peux. J'ai zappé les dates que tu as données. Le 15 mars, ce sera où du coup ? Ce sera à la Camélienne à Paris. Ah oui, donc ça fait un petit peu loin pour les auditeurs ouais, de Radio Par Dio. Contre, le 31 mai, on a un petit bundle. Ah oui. 31 vrai. Mai à l'Eclipse à Rouen. Mmh. Avec Ash Winter, Saturn et Ash Winter. D'accord, voilà, l'Eclipse à Rouen, qui est une salle dans laquelle oui, on c'est... a vu quelques concerts quand même. Et bah ouais, ça existe depuis peu de temps, hein, depuis à peine 6 mois. Depuis septembre. Et là, voilà, ils ont la licence pour pouvoir faire plus de 7 concerts par an. Et donc maintenant, ouais, y a des concerts peut-être toutes les 2 semaines, un truc du genre. C'est ça. Ouais. Et donc, ouais, c'est devenu vraiment le lieu où. Et ils sont oui, il y a des concerts au métal du coup. Mmh. Ouais, bah c'est même plus que ça. C'est un lieu bah, de leur propre confidence qui a été fait un petit peu aussi pour permettre aux groupes locaux de se produire. Parce que c'est vrai qu'à Rouen c'était quand même un petit peu la dèche. On avait le fameux local des bikers, mais bon, c'est vrai ouais. que là-bas il y a des concerts que les vendredis et puis ils sont bookés jusqu'en 2028. Alors bon, c'est vrai que. Exactement. Les groupes ont le temps de disbander d'ici là. Oui, c'est ça. C'est ça qui est marrant. C'est un peu où l'établissement peut prendre feu, ou la Troisième Guerre mondiale peut se déclarer. Notre projet, par c'est exemple. De booker un groupe qui n'existe pas encore. Et je pense qu'un jour, on va le faire, oui. C'est de booker un groupe qui n'existe pas encore et d'y jouer... Voilà. Ouais. Voir deux groupes. Et après, tu sais que Lars Ulrich, quand il a signé pour Metallica, pour que la Metallica participe à la toute première compilation à l'époque, c'était Metal for Mothers ou je crois quelque chose comme ça, où il n'avait pas encore le groupe, donc il a signé pour que le groupe pour un groupe mais qui n'existait pas et qui est devenu Metallica. Ah ouais, bah comme quoi. Incroyable. Il était très bon commercial. Ouais, ah bah ça, meilleur ça. Commercial que batteur. Ah bah ça, ça ne fait aucun doute. Aucun je doute. Pense qu'il est meilleur, enfin, je sais pas, meilleur cuisinier que batteur. Meilleur, Après, bien sûr, ça reste quelqu'un d'emblématique. Ah bah bien sûr, bien sûr. Il a inspiré plein de gens, l'air de rien. On rigole, mais. Voilà. Whitechapels, maintenant, est-ce que c'est quelque chose que vous. Ah oui, c'est oh bah oui. oui. C'était le deuxième album que j'aurais amené si je l'avais eu en physique, mais j'ai très peu d'albums physiques. Ça va être le nouveau là. Oui, oui, oui. Ah, oui. Cool, on l'avait écouté. En oui, petit, moi pas encore, mais Greg me rabat les oreilles avec ça depuis moi, 3 jours. Moi, ouais. je plus sois que Whitechapel soit retourné sur tard l'époque This Is Exile, quoi. Genre, on revient sur du deathcore slam. Ah, oui. J'aime très fort. Et ben, ce sera un extrait de cet album qui sort sur Metal Blade, le morceau Hymns in Dissonance, tout de suite. Je garde le casque. Yeah. Il nous met en caleçon, hein, celui-là. Eh bah, putain, c'est franc bien. Il arrive, il nous met en caleçon comme ça, rends mon goûter. Whitechapel, tout de suite, avec son dernier album et le morceau Hymns in Dissonance. Tout de suite, on va passer maintenant sur des terres qui s'avèrent être plus orientées black metal, avec Berlial tout de suite, et son dernier album, ce sera le morceau Nous Vos Mondes, tout de suite sur Overdrive Radio Dio, pour quasiment terminer l'émission ce soir. Thank you. car le corps pendu dans les vannes se vide. Les ouvriers s'en retournent avec les régisseurs à la coursive. Le grand médiateur a sifflé la fin de la partie. On n'est plus mère ni enfant quand on ne fabrique plus. On ne reste que spectateur d'un commerce sans patrie. L'humain se dit, s'échange de noir dans le noir. Voilà, pour Berlial, tout de suite dans Overdrive, Radio Duo, on va quasiment, on va même terminer ce soir avec Ashed Winter et le morceau Running Away. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce titre ? Alors, c'est un morceau assez particulier en fait, qui a un long vécu, beaucoup de versions. C'est un morceau qui est né plutôt dans les débuts du groupe. Et quand on a décidé de prendre une vague, justement un petit peu moins old school et qui devait s'inspirer un petit peu plus de choses, un peu plus tribales, enfin qu'on voulait marquer un peu plus l'esthétique, c'est un morceau qui a été un peu beaucoup revisité. Et voilà, donc du coup au final, beaucoup de monde a travaillé sur le morceau, a un peu apporté des idées et ça donne ça quoi. Ça donne ce morceau qui est, je pense, quand même un petit peu différent. Il y a une petite vibe. Néo-métal, il y a une petite inspiration, Slipknot, un peu People ouais. Equal Shit, sur le début, et puis en même temps, il y a des vibes un peu plus modernes. En fait, si tu veux, c'est un morceau qui a été composé sur une tellement longue période qu'il y a les influences de, sur une période assez étendue. Donc il y a un petit peu de, The Ocean aussi. Enfin, on retrouve quand même pas mal de choses, quoi. Donc c'est un morceau qui fait, qui part dans beaucoup de contrées, Et justement, quels sont les projets dans l'immédiat pour Ash Twinter? Ben là, actuellement, il y a quand même une volonté de faire quand même pas mal de dates. Ouais. On a des bonnes dates, dont certaines qu'on ne peut pas annoncer, peut pas encore la dire, mais des trucs très vraiment bonne. Très très sympathiques, ouais, qui nous arrivent. Et donc après, voilà, bah, ça va être continuer notre chemin. Voilà, on est déjà en train de composer la suite. Et puis d'essayer de sortir, voilà, d'avoir des sorties peut-être quand même un peu régulières, de ne pas se faire oublier, quoi. Et justement, voilà. Est-ce que ça passe également par des vidéos que vous pourriez faire? Oui, bah ça c'est vrai qu'on a quelques projets, oui, en effet, de mettre un petit peu en vidéo un maximum de morceaux de l'album, en tout cas ceux où on constate qu'ils marchent bien, quoi, pour faire plaisir à tout le monde, quoi. En tout cas, merci à vous pour le déplacement. On rappelle la date du fil le 21 mars prochain du côté du Warm-Up Hellfest. Ce sera en compagnie de Nervosa et Novelist, qu'on n'a pas diffusé malheureusement ce soir. Pourtant, Coda est très bien. Voilà, pour les fans peut-être un peu plus de la scène, on va dire, Metalcore. Pour Novelist. En tout cas, vous retrouverez Nervosa, vous retrouverez Novelist ainsi que Ash Winter. Il y a énormément de choses différentes. J'ai même vu qu'il y avait un concours de air guitar. Oui, c'est et Julien qui le gagne à chaque fois. Non, c'est Soso. Moi, je vote Soso aujourd'hui. Ouais, grave. Et des places, même en plus que des places, un pass pour le Hellfest 2025. Alors, je ne sais pas s'il y en a un ou deux. En tout cas, c'est quelque chose d'assez demandé de nos jours. Ah, pour sûr. C'est super sympa parce que quand tu vois la tournée, quand tu vois le nombre de dates, le nombre de passes offerts. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu serais surpris du nombre de passes que tu peux avoir en Soumsou. Le marché noir des dates. Non, pas tellement ça, mais les contacts. En tout cas, on envoie ça tout de suite avec Running Away. Merci à vous. Et, merci pour l'invitation. On se merci rejoint beaucoup. Merci beaucoup. Le 21 mars prochain. Bonne soirée, courez très loin. Trace of fire, smith, yeah, that's exactly love.